D'abord tu sors de ta mère, tu descends très fort le coup des lumières, tu descends itinéraire obligé, c'est comme un rallye fléché. Du lever au couchant, tu descends pour finir allongé sur des sables mouvants. Après tu suis des couloirs, tu descends très fort le coup du hasard, tu descends le chemin des écoliers, cette impression de tourner. Du lever au couchant, tu descends pour finir allongé sous des fleurs et du vent. Un jour ton piano prend l'eau, tu descends très fort le coup du repos, tu descends assis sur le bas-côté, tu vois les autres passer. Du lever au couchant, tu descends pour finir allongé sous des gazons brillants. Enfin tu deviens léger, tu descends très fort le coup du viager, tu descends itinéraire étoilé, cette impression de voler. Du lever au couchant, tu descends pour finir oublié sous des fleurs et du vent. D'abord tu sors de ta mère, tu descends très fort le coup des lumières, tu descends itinéraire obligé, c'est comme un rallye fléché. Du lever au couchant, tu descends pour finir allongé sur des sables mouvants.